Dans l'avant-propos de Matière et mémoire, Bergson écrit « Ce livre affirme la réalité de l'esprit, la réalité de la matière, et essaie de déterminer le rapport de l'un à l'autre sur un exemple précis, celui de la mémoire. » Distinguer l'esprit d'un côté et la matière de l'autre, c'est ce qu'on appelle le dualisme. Et c'est cette thèse, ce dualisme, que tout le livre va s'efforcer de dépasser. Dans le quatrième chapitre qui va nous occuper aujourd'hui, Bergson pose la question de l'union de l'âme et du corps en affirmant que la réalité de la matière constitue la réalité de l'esprit. Mais comment est-ce possible? Comment la matière et l'esprit peuvent-elles être de même nature? Pour y répondre, Bergson va proposer une analyse du mouvement qu'il va redéfinir en termes de durée. Corps, esprit, mouvement et durée, bienvenue en terre bergsonienne, accrochez-vous. Il y a des changements, mais il n'y a pas sous le changement de choses qui changent. Le changement n'a pas besoin d'un support. Il y a des mouvements, mais il n'y a pas d'objets inertes, invariables, qui se meuvent. Le mouvement n'implique pas un mobile. Écoutons une mélodie, en nous laissant bercer par elle. N'avons-nous pas la perception nette d'un mouvement qui n'est pas attaché à un mobile? D'un changement sans rien qui change? Ce changement se suffit. Il est la chose même, et il a beau prendre du temps, il est indivisible. Si la mélodie s'arrêtait plus tôt, ce ne serait plus la même masse sonore, c'en serait une autre, également indivisible. Sans doute, nous avons une tendance à la diviser et à nous représenter, au lieu de la continuité ininterrompue de la mélodie, une juxtaposition de notes distinctes. Mais pourquoi? Parce que nous pensons à la série discontinue d'efforts que nous ferions pour recomposer approximativement le son entendu en chantant nous-mêmes. Et aussi parce que notre perception auditive a pris l'habitude de s'imprégner d'images visuelles. Nous écoutons alors la mélodie à travers la vision qu'en aurait un chef d'orchestre regardant sa partition. Nous nous représentons des notes juxtaposées à des notes sur une feuille de papier imaginaire. Nous pensons à un clavier sur lequel on joue, à l'archet qui va et qui vient, aux musiciens dont chacun donne sa partie à côté des autres. Faisant abstraction de ces images spatiales, il reste le changement pur, se suffisant à lui-même, nullement divisé, nullement attaché à une chose qui change. Bonjour Elie Düring. Bonjour Adèle Van Rett. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour parler de Bergson, enfin avec nous par la voix, puisqu'évidemment vous êtes chez vous et je suis chez moi. C'est la radio confinée pour parler de Bergson. Alors on vient d'effectuer un bond de 38 ans en avant en écoutant ce texte qui n'est pas tiré de Matière et mémoire, mais de La pensée et le mouvant, un recueil de textes qui paraît en 1934 et qui constitue le précieux avantage d'exposer de manière très claire les thèses que Bergson commence à présenter dans ce quatrième chapitre de Matière et mémoire. Alors pourquoi la mélodie? Et on vient d'entendre le premier concerto de Chostakovitch pour piano et trompette. Pourquoi la mélodie est-elle l'exemple parfait pour comprendre la pensée du mouvement selon Bergson? Eh bien, parce que c'est ce que vous rappeliez dans votre présentation, le statut de ce quatrième chapitre de Matière et mémoire. L'enjeu, c'est de nous reconduire à la matière dont il était parti en lui consacrant presque tout le premier chapitre. En fait, la perception pure comme accès à la matière était déjà évoqué très largement dans le premier chapitre. Il y revient dans le quatrième chapitre pour essayer en quelque sorte de recoller les morceaux qu'il avait disjoints, pour surmonter le dualisme qui se durcissait, qui devenait de plus en plus apparent et problématique dans les chapitres 2 et 3, avec une distinction entre ce que fait la mémoire et ce que peut le corps. Dans ce chapitre 4, il s'agit de, en quelque sorte, dépasser le dualisme, sans l'annuler. Et pour ce faire, en effet, Bergson considère que la voie royale, c'est d'élucider le sens du mouvement, c'est-à-dire, au fond, la sensation même du mouvement, tel qu'il se donne en fait, sachant que ce choix thématique, le mouvement, est justifié par le fait que, en vérité, l'attribut principal, la donnée immédiate de la matière, c'est le mouvement, précisément. La matière, c'est ce qui bouge. On pourrait dire que c'est la détermination première, la donnée immédiate de la matière pour Bergson. Et donc, pourquoi le penser à partir de la mélodie? Et bon, c'est vrai, vous rappeliez que ce texte est tiré d'une conférence ultérieure. Hein. L'idée, c'est au fond de très rapidement, par ce rapprochement, cette espèce de court-circuit entre le mouvement de la matière et la mélodie, qui au fond se résout au son près, en un pur mouvement spirituel, un mouvement de l'esprit qui accompagne les notes. Le sens de ce court-circuit, eh bien, c'est de très vite introduire l'idée que, bien compris, le mouvement même de la matière, même le mouvement de la matière, peut être envisagé en quelque sorte dans son caractère de continuité mélodique, comme quelque chose qui s'apparente, qui a de l'analogie avec le mouvement de la vie intérieure. Alors ça, c'est le sens profond du chapitre 4, c'est d'essayer de construire cette analogie de façon systématique, en nous replongeant en quelque sorte dans le milieu lui-même mouvant, des sensations de mouvement attachées à la matière. Alors disons-le d'emblée aux auditeurs et les durings qui l'auront compris s'ils écoutent cette série d'émissions depuis lundi, ce texte Matière et Mémoire est difficile et ce quatrième chapitre est redoutable. Et c'est ce qui rend l'émission assez excitante d'ailleurs, d'essayer de rendre clair ce qui est dit. Peut-être même avant d'aller plus loin, essayer de nous expliquer pourquoi il est si important, redoutable peut-être, mais il y a une raison pour laquelle Bergson veut à tout prix prouver ce qu'il cherche à prouver. Quelle est-elle? C'est peut-être une bonne façon d'entrer dans la démarche même de Bergson. Oui. Alors, bon, il y a plusieurs manières de justifier la démarche d'un philosophe, c'est-à-dire d'identifier son problème, les raisons, les motivations profondes qui lui font dire ce qu'il dit. Et en effet, ce n'est pas des choses très évidentes, ce n'est pas trivial ce qui est dit dans le chapitre 4. Une manière de présenter cette motivation ou ces raisons, c'est de resituer la démarche de Bergson par rapport à des grandes options dans l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'au fond, il se débat, il est très clair là-dessus, il l'annonce comme ça au début du chapitre. Il se débat avec un héritage, on pourrait dire cartésien et post-cartésien, qui a consisté, pour aller vite, à en quelque sorte maintenir la matière dans une position d'extériorité si absolue par rapport à l'esprit, qu'à la fin, tout se renverse, c'est le mouvement même de l'idéalisme, et on s'aperçoit que ce qu'on voulait maintenir dans son extériorité, son étrangeté à l'esprit, en fait se résout en idées, en représentations mentales. Alors, on peut le dire très simplement avec un exemple archi-connu, peut-être, qui est celui du morceau de cire chez Descartes. On se souvient, dans la deuxième méditation, de l'affaire du morceau de cire. Alors, si on veut chercher à connaître la matière singulière de ce morceau de cire, eh bien, Descartes dit qu'il faut, au fond, s'abstraire, faire abstraction des qualités sensibles diverses, le goût, la couleur, l'odeur de cette substance tirée récemment de la ruche, et se concentrer, par une inspection de l'esprit, sur ce qui constitue l'unité purement conçue, purement intelligible, de ce morceau de matière qui, du coup, va être immédiatement désigné comme un corps. De la cire, on sait au fond rien d'autre, on ne connaît rien d'autre distinctement que le fait que c'est un corps, donc extérieur à l'esprit. Il ne s'agit pas de dire que c'est une idée, c'est bien, on rencontre bien quelque chose. Mais tout ce qu'on peut en dire de distinct, c'est que c'est un corps, c'est-à-dire, je crois que c'est dans ces termes qui présentent la chose dans les principes de la philosophie, un morceau d'étendue, une substance étendue en largeur, longueur et profondeur. Ce qui est quand même une définition de la matière à la fois extrêmement claire, distincte, et extrêmement frustrante. C'est-à-dire qu'on laisse de côté toutes les données immédiates de la matière, toutes les qualités sensibles qui s'attachent dans l'ordre des cinq sens à des morceaux de matière, tels qu'on les rencontre effectivement dans l'expérience. Alors, cette situation, elle est intolérable pour Bergson parce qu'elle revient au fond à réduire la matière à ce qui en est pensable distinctement, c'est-à-dire au fond à l'étendue, et même à la rabattre sur une substance étendue dont on ne connaîtrait que ce qui se laisse penser par ordre, figure et mouvement. Donc on peut dire en première instance ce que veut faire Bergson, sa motivation, c'est de réhabiliter l'expérience de la matière, donc pas la matière simplement conçue, mais la matière, on pourrait dire, vécue, en y réincorporant d'emblée toutes les qualités sensibles qui avaient été en quelque sorte mises en suspens par Descartes, puisque pour Descartes, les qualités sensibles attachées à la cire ou à n'importe quel morceau de matière sont dans l'âme, et pas dans les choses. Elles sont dans l'âme, et pourquoi elles sont comme elles sont? Pourquoi est-ce que la cire a une odeur de cire? Eh bien, c'est en raison d'une institution de la nature un peu mystérieuse, ce qui fait que, étant étroitement unie au corps, eh bien, l'âme va avoir des sensations de telle ou telle nature, mais qui ne concernent pas la chose. Alors pour Bergson, c'est pas possible. Et donc une raison importante pour lui d'entamer ce chapitre 4 à partir d'une analyse du mouvement de la matière, c'est d'essayer d'aller au-delà, de dépasser cette position cartésienne qui revient, comme je le disais, à mettre la matière tellement loin de nous à l'extérieur qu'au fond, ce qui en reste, c'est une pure idée, l'idée d'un corps en général, c'est-à-dire substance étendue en largeur, profondeur et hauteur. Et ça, évidemment, c'est intolérable parce que c'est d'emblée manquer l'expérience même de la matière pour Bergson. Donc ça, c'est une façon de présenter le problème. C'est une bonne motivation, je pense. Ça ne veut pas dire pour autant que, selon Bergson, la matière n'existe qu'à travers la sensation que j'en ai, que la matière n'existe qu'à travers le vécu que j'en ai. C'est l'opposition qu'il établit dès le début du texte. Ouais. D'un côté, il y a l'idéalisme qui pense que les choses sont entièrement dans ma pensée, de l'autre, le matérialisme qui pense que les choses sont entièrement extérieures à elles. Bergson essaye de concilier les deux, voire de les dépasser, en fait. C'est ça la voie bergsonienne. Oui. Et c'est une révolution dans l'histoire de la philosophie. Tout à fait. On peut dire que c'est un très bon exemple, pour le coup. Et si on suit ce fil pédagogique, vraiment, et Bergson explicite les raisons qu'il a de dire ce qu'il dit, je pense que les aspects les plus opaques du chapitre s'éclaircissent assez vite. En effet, il faut refuser et le matérialiste qui maintient la chose dans une extériorité radicale, de sorte que l'union de l'âme et du corps devient toujours quelque chose d'assez mystérieux. Donc il y a des solutions ensuite qui consistent à penser l'âme, l'esprit en général, comme une émergence à partir d'une complication de la matière. Je dirais tous les chapitres 2 et 3 de Matière et mémoire proposent des arguments forts contre cette idée, cette dérivation des mouvements de l'esprit à partir d'une organisation purement cérébrale, purement matérielle. Donc ça, c'est son rejet du matérialisme réductionniste. Mais d'un autre côté, c'est ce que vous évoquiez, il y a un risque symétrique qui serait que, au bout de l'idéalisme, et ça, historiquement, on le voit après Descartes, chez des gens comme Berkeley, la tentation de récupérer, en effet, les qualités sensibles qu'on avait mises en suspens, et simplement les attribuer à l'esprit, puisque fidèle à Descartes, on va les envisager telles qu'elles sont, c'est-à-dire des impressions sensibles, des idées, des perceptions. Mais en réduisant la chose elle-même, c'est ça le mouvement interne de l'idéalisme, c'est d'aller jusqu'à une forme d'immatérialisme, c'était la doctrine de Berkeley, c'est-à-dire de faire en sorte que la chose elle-même se résorbe entièrement dans ses qualités sensibles, de sorte qu'elle n'ait plus rien d'extérieur à nous. Elle se résout, dit Berkeley dans un dialogue célèbre, elle se résout en un amas d'impressions sensibles. La cerise. Alors, ce n'est pas l'exemple de la cire, chez Berkeley, c'est la cerise, mais c'est le même problème. Ouais. La couleur, le goût, tout ça, la cerise n'est rien d'autre que tout ça. Or, tout ça, pour Berkeley, ce sont, à la fin, des impressions sensibles, c'est-à-dire des idées. Alors ça, voilà, sur ces deux fronts, matérialisme et idéalisme extrême, qui finalement résorbent et assimilent la chose entièrement dans l'esprit, Bergson veut lutter et il veut définir une sorte de voie médiane où on conserverait les qualités sensibles à l'extérieur, dans la chose. Alors comment définir la position de Bergson ? Ni matérialisme, ni spiritualisme ? Est-ce que c'est ce fameux vitalisme dont on parlait lundi dernier avec Frédéric Worms ? Est-ce qu'il y a un terme en isme ou pas forcément d'ailleurs qui définirait l'attitude de Bergson par rapport à la philosophie ? Ouais, je pense qu'à l'horizon il y a le vitalisme et on va probablement y venir dans quelques minutes. Mais avant ça, je dirais, il y a ce qu'il revendiquait lui-même, un empirisme d'un genre particulier, donc une sorte de souci d'attention particulière, une attention philosophique aux données de l'expérience, mais qu'il qualifiait lui-même de supérieur ou de véritable, un empirisme vrai. Un empirisme véritable, c'est-à-dire qui ne dénaturerait pas d'emblée le donné et qui serait en quelque sorte maximalement fidèle à la manière dont les choses effectivement sont rencontrées dans l'expérience. Pour revenir à la matière et au mouvement de la matière, la stratégie empiriste de Bergson, c'est de dire, au fond, de nous replonger d'emblée dans ce qu'est effectivement l'expérience du mouvement. Et là, on peut revenir au passage qu'on a entendu, oui. La perception du changement, puisqu'il était question de la mélodie. Mais la suite du texte qu'on n'a pas entendu, eh bien, tire les conséquences de cette analyse au cas du mouvement de la matière elle-même, du mouvement extérieur, du mouvement, typiquement, le mouvement qu'on voit, le mouvement perçu par la vision. Par exemple, pour prendre un exemple bergsonien, la foulée du coureur, par exemple Achille courant après une tortue. Bon. Quelle est la donnée sensible dans l'expérience immédiate du mouvement, disons, de la course d'Achille ? Eh bien, c'est quelque chose comme un rythme, comme une allure. On parle de l'allure d'un coureur. La foulée du coureur, c'est une certaine organisation interne, une cohérence ou une articulation interne de pas effectués, en effet, mais à une certaine vitesse, selon certains rapports de vitesse. Il y a des accélérations, il y a des prises d'élan, il y a des appuis. Tout ça forme une sorte de totalité indéchirable, indivisible, dit Bergson, qui a, si on l'envisage comme ça, une analogie immédiate avec l'expérience d'une mélodie, disons, suivie dans son déroulement, dans son développement temporel, par nos oreilles et notre esprit. Donc l'exemple de la mélodie vient éclairer l'exemple de n'importe quel mouvement sensible, pour autant que ce mouvement a une sorte d'articulation interne, quelque chose comme une totalité qui le distingue par son rythme propre. Je crois que c'est là qu'il veut nous mener très vite. Oui, et ça veut dire, et c'est ça qui peut paraître contre-intuitif pour le lecteur, ça veut dire que le mouvement n'est pas forcément le mouvement de quelque chose, n'est pas d'ailleurs le mouvement de quelque chose que l'on peut décomposer, comme la foulée d'Achille ou d'Usain Bolt, dont parlait Souleymane Bachirdian hier, c'est peut-être plus parlant. Ouais. Le sprint d'Usain Bolt, on peut certes le décomposer en autant d'images au ralenti, qui décomposeraient le mouvement, mais Bergson nous dit que le mouvement lui-même, tout mouvement, dit-il, en tant que passage d'un repos à un repos, est absolument indivisible. Il y a une réalité du mouvement en soi. C'est ça qui est difficile à penser. C'est ça. Et justement, parce qu'il est indivisible, on doit s'interdire de l'analyser aussitôt, enfin de le comprendre, de l'interpréter aussitôt, en termes de positions successivement occupées dans l'espace. Donc on pourrait dire... Le mouvement n'est pas que spatial. Voilà. Donc ce à quoi tend toute l'analyse, et donc le sens même de l'analogie avec la mélodie, qui est typiquement non spatiale, c'est en fait d'arracher le mouvement, y compris le mouvement exécuté, je dirais, à l'extérieur, dans le milieu d'extériorité que constitue l'espace vu, d'arracher ce mouvement, en tant que mouvement, hein, en tant que sensation singulière de mouvement, à son arrière-plan spatial, c'est-à-dire à l'espace homogène, où, évidemment, l'esprit peut toujours chercher des appuis, peut toujours localiser des événements, mais le mouvement en tant que tel, en tant qu'il est un progrès, un processus, un acte, dit Bergson, la mobilité qui est l'essence du mouvement, elle n'est pas localisée. Elle n'est pas localisée, elle est en quelque sorte d'emblée saisie dans un milieu qui n'est pas l'espace homogène. Alors évidemment, il n'est pas non plus suspendu dans le vide. Le mouvement a bien son milieu propre. Ouais. Simplement, il y a un nom pour ça, et ce nom, c'est l'extension, c'est l'étendue concrète. L'étendue concrète comme milieu propre du mouvement, ça n'est pas l'étendue cartésienne, c'est pas l'espace homogène du géomètre. C'est le lieu où les choses se font. On pourrait dire que le propre du mouvement de la matière, c'est non pas d'occuper des points dans l'espace, des configurations spatiales, mais de traverser l'espace. Et justement, parce qu'il le traverse, eh bien, il le transforme. Et l'étendue concrète, ça n'est rien d'autre, au fond, que des mouvements de mouvements, des mouvements qui enveloppent même des mouvements à l'infini et qui lui donnent ce caractère un petit peu tourbillonnaire qu'il assimile davantage à quelque chose comme un plasma ou un éther, quoi, quelque chose comme une matière vibrante elle-même. L'espace concret serait lui-même comme l'enveloppe de tous les mouvements sensibles, quelque chose de cet ordre. Il écrit « Quand mes yeux me donnent la sensation d'un mouvement, cette sensation est une réalité, et quelque chose se passe effectivement, soit qu'un objet se déplace à mes yeux, soit que mes yeux se meuvent devant l'objet. À plus forte raison suis-je assuré de la réalité du mouvement quand je le produis après avoir voulu le produire et que le sens musculaire m'en apporte la conscience. » C'est dire que je touche la réalité du mouvement quand il m'apparaît, intérieurement à moi, comme un changement d'état ou de qualité. Mais alors, comment n'en serait-il pas de même quand je perçois des changements de qualité dans les choses ? Le son diffère absolument du silence, comme aussi un son d'un autre son. Entre la lumière et l'obscurité, entre des couleurs, entre des nuances, la différence est absolue. Le passage de l'une à l'autre est lui aussi un phénomène absolument réel. Je tiens donc les deux extrémités de la chaîne, les sensations musculaires en moi, les qualités sensibles de la matière hors de moi, et pas plus dans un cas que dans l'autre, je ne saisis le mouvement, si mouvement il y a, comme une simple relation, c'est un absolu, dit-il. Le mouvement est un absolu. Voilà. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une façon très simple de comprendre cette thèse, que le mouvement a caractère absolu, c'est de le comprendre par différence avec tous ceux qui, à nouveau, dans la lignée de Descartes, ont essayé de penser le mouvement comme un phénomène essentiellement relatif, c'est-à-dire relatif, en l'occurrence, à des corps qui bougent, des corps qui se meuvent, des mobiles, relatif aussi ce mouvement à des points de vue sur lui, à des physicien contemporain dirait des systèmes de référence qui cadrent en quelque sorte le mouvement et qui en font un phénomène purement relatif. Vous savez que si je m'éloigne de vous, eh bien, de mon point de vue, c'est vous qui vous éloignez de moi. Je pourrais tout aussi bien le décrire comme ça. Et de fait, d'un point de vue cinématique, c'est strictement équivalent. Alors, cette façon de penser le mouvement comme un phénomène essentiellement relatif, Bergson lui oppose le constat, à nouveau, c'est un constat d'expérience qui passe par ce qu'il appellera ensuite l'intuition, c'est-à-dire une épreuve sensible, au fond, qui n'est pas sans interposition de nos cadres intellectuels, de nos schémas interprétatifs. Ce qui se donne immédiatement, c'est un mouvement qui a un caractère en effet absolu, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'emblée relativisé à autre chose, à nouveau, soit à un mobile, quelque chose qui bouge, soit à des cadres ou des perspectives sur lui. Il est absolu, et maintenant on peut lui donner un sens positif, mais vous l'évoquiez là dans la citation, il est absolu au sens où les qualités, c'est-à-dire plus précisément les transformations qualitatives, les bouleversements ou les changements qualitatifs qui altèrent, qui affectent eh bien, la totalité de mon champ sensible, à tout instant en fait, si j'y prête attention, sont absolus. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si quelque chose bouge, et peu importe qu'ensuite je puisse l'analyser intellectuellement comme un mouvement relatif, s'il y a du mouvement, quel qu'il soit, c'est que quelque chose change qualitativement dans la situation tout entière. Bergson dit au niveau du tout. Par là, il entend le tout des images au sens du premier chapitre, mais aussi, plus simplement, le tout de mon expérience sensible à tel ou tel instant. Mais ça veut dire, et alors c'est là où vraiment se situe le tour de force de Bergson, que si le mouvement n'est pas relatif, si le mouvement est indivisible, qu'il n'est pas relatif à un référentiel qui serait le transport d'un état plutôt que d'une chose, le mouvement, donc s'il n'est pas simplement spatial, il est quelque chose de qualitatif, vous avez dit, qui présente en lui-même de la durée. Et il faut prononcer le terme parce qu'au fond, c'est là où Bergson veut en venir. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il affirme là et qui est absolument inouï, c'est que le mouvement qu'on a tendance à assigner à de l'espace est en réalité fait de durée et donc a ceci de commun avec l'esprit, avec l'âme elle-même. C'est-à-dire que voilà le point commun qu'il y a entre ce qu'on appelle, à tort, le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, c'est que tous deux sont faits de durée. Et c'est ça l'essence du monde selon Bergson. Et c'est comme ça qu'il dépasse le dualisme. Voilà, c'est-à-dire que si on réinterprète tous les mouvements du monde, y compris les mouvements de la matière physique, comme on aime dire, y compris les mouvements tourbillonnaires ou les pulsations énergétiques au niveau de, des phénomènes microphysiques, si on interprète tout ça en termes de transformation essentiellement qualitative, eh bien, à l'image donc de ce qui, des qualités perçues et des changements d'état ou des transformations qualitatives vécues par la conscience, eh bien, on est forcé, on est conduit nécessairement à penser tout ça en durée, c'est-à-dire à ramener le mouvement à ce qui constitue son essence, à savoir être la forme d'un processus de transformation qui a lieu en profondeur, une altération, pour parler comme Aristote, si on ramène le mouvement à ce changement qualitatif, à cette évolution réelle, eh bien, nécessairement, on sera conduit à le penser d'abord en durée et secondairement en termes spatiaux. Le mouvement a lieu dans la durée et non pas dans l'espace. Et c'est en effet là que se fait la jonction entre tout ce qui a pu être dit de la vie de la conscience, de la durée vécue par une conscience, la durée intime, et la durée des choses, la durée de la matière. C'est que dans les deux cas, c'est en effet de la durée. Donc là, il y a quelque chose comme un schéma commun, quelque chose comme un schéma ontologique qui est commun à la matière et à l'esprit et qui permet, en quelque sorte, à Bergson de faire la soudure et de dépasser les apories du dualisme qu'on a évoquées il y a quelques minutes. Alors, on va prendre un exemple concret, puisque Bergson est vraiment très fort pour prendre des exemples pédagogiques qui permettent de saisir l'essence même de sa pensée. Son exemple privilégié, c'est celui de l'art, et surtout par la suite, dans l'évolution créatrice et dans les écrits qui suivront. L'art nous permet de comprendre ce que Bergson entend par la durée, notamment dans le processus créatif. Voici donc un exemple, écoutez-le et vous verrez de quelle manière il se relie au texte de Bergson. Vous devriez élaborer vos peintures lentement. Pourquoi vous allez si vite? Peignez calmement, doucement. Vous êtes à l'abri, vous n'êtes pas dehors à affronter le vent et le bruit. Une peinture doit être exécutée d'un seul geste clair. Vous ne pensez pas à votre surface, pas plus qu'à son accord avec votre peinture. Vous changez tout si vite, vous voyez même pas ce que vous faites. Une toile doit être exécutée rapidement. Peignez vite et vous repeignez par-dessus. On jurerait que votre toile est faite d'argile. C'est plus de la sculpture que de la peinture. Vous ne contrôlez pas assez ce que vous faites. Je ne veux rien contrôler. J'ai besoin de trouver un état frénétique. On ne parle pas de fièvre créatrice sans raison. D'accord, mais calmez-vous. J'ai pas envie de me calmer. Plus vite je peins, mieux je me sens. Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile. Ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et la voix d'Henri Bergson dans l'unique archive dont nous disposons de la voix de Bergson. Elle date du 3 juin 1936. Et dans cette archive, qui est en fait un essai radio, il s'apprête à faire une émission et c'est l'extrait qu'il donne pour voir si le son fonctionne bien. Ben, on n'a pas tous les mêmes essais radio, hein, je dois confesser. Il affirme sa thèse vraiment principale qu'on retrouve dans toute sa pensée, à savoir que l'objet de l'art, c'est de nous mettre en contact direct avec la réalité. Que si nous avions ce contact direct avec la réalité, l'art serait inutile car nous serions en coïncidence totale avec les choses et avec nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait de film diffusé juste avant La Voix de Bergson, hein, une discussion entre Gauguin et Van Gogh, dans laquelle Gauguin dit à Van Gogh de peindre différemment, de prendre son temps, et Van Gogh lui répond « Mais non, moi je dois peindre vite pour être en coïncidence absolue avec ce que je peins. » Et c'est là peut-être le secret pour Bergson, c'est dans l'acte artistique lui-même qu'on comprend l'essence même du monde, Elie Düring. Oui, l'art est évidemment un des vecteurs, une des manières possibles pour, au fond, formuler et résoudre le problème général qu'on a énoncé ici, c'est-à-dire essayer de réduire l'écart entre matière et esprit pour surmonter les dualismes. L'artiste le fait spontanément, en quelque sorte, à chaque fois que le bon artiste, le grand artiste, à chaque fois qu'il parvient à force d'effort, hein, et de travail à fixer quelque chose. Bergson parle d'impression évanouissante, hein, dans le cas de peintres comme Corot, Turner, mais pourquoi pas Van Gogh, à fixer quelque chose qui témoigne du fait que, en réalité, le monde que nous habitons, le champ sensible dans lequel nous sommes plongés, est d'essence qualitative et ne diffère pas, je dirais, par nature, en substance, de ce qu'on peut déjà éprouver en retournant l'esprit sur lui-même et en portant attention au courant de la vie intérieure. Il y a quelque chose d'homologue. En même temps, et c'est pour ça que là, je pense que cet extrait dramatisé là, qu'on a entendu avant La Voix de Bergson me paraît très intéressant, en même temps, ça suppose quand même un certain nombre d'opérations spécifiques. C'est-à-dire que tout le monde, en effet, vous le rappeliez, n'est pas spontanément artiste. La plupart des gens ne le sont pas. Et l'artiste arrive à parfaire son art au prix d'un effort qui consiste pas simplement, ça c'est un peu le mythe romantique de l'artiste visionnaire, pas simplement à plisser les yeux et à percer le voile des apparences, même pas du tout, c'est pas ça qui se passe. En réalité, et c'est ça qu'exprime Van Gogh en expliquant qu'il faut peindre vite, et on sait que ces séances pouvaient durer quelques heures pour un tableau, c'est l'idée de, au fond, ajuster le rythme des opérations techniques de l'art, et donc le rythme de la conscience humaine, à parier, dans le cas de l'artiste peintre. Et c'est quand même pas quelque chose qui sort comme ça, spontanément, de l'esprit. Ça suppose toute une tradition picturale, l'acquisition de gestes, bref, une patience aussi que Van Gogh revendiquait. Il disait « je suis rapide comme l'aigle, mais patient comme le bœuf ». Un souci aussi d'observation de la nature qui permet à un moment donné d'articuler le rythme des opérations techniques de la peinture avec certaines dimensions rythmiques, certaines propriétés qualitatives de la nature comme processus de transformation ou d'altération qualitative continuée. Pour saisir certains motifs ou certains thèmes de la mélodie continuée de la nature, il faut soi-même, en quelque sorte, composer ses gestes pour aller vers elle et pour en capturer et en fixer quelque chose. Donc, peindre très vite, ça peut être une technique. Mais à l'inverse, chez d'autres artistes, ça pourrait être une lenteur exagérée qui, en quelque sorte, dilate l'attention et les opérations de l'esprit pour, en quelque sorte, se mesurer au temps quasiment géologique chez Cézanne, dans un genre différent, mais apparenté, le rythme géologique de la montagne Sainte-Geneviève elle-même, comme sujet de peinture. Bon, tout ça, c'est des stratégies ou des tactiques qui jouent finalement sur des différentiels de rythme, sur des ajustements réciproques qui permettent de cerner le temps de la nature ou la durée des choses en dilatant, et parfois à l'inverse, en accélérant ou en condensant de façon très violente, comme on peut le voir chez Van Gogh, les opérations de l'esprit. Mais là aussi, c'est contre-intuitif, parce qu'on ne se dit pas en regardant un tableau que c'est une affaire de durée, puisque le tableau a une étendue, a des couleurs, il y a beaucoup de sensations qui s'en dégagent, mais rarement celles du temps. Peut-être que l'exemple du cinéma, dont Bergson était le contemporain, peut nous aider à comprendre encore mieux ce qu'il veut dire, parce que le cinéma est à la fois des images mouvantes qui défilent devant nous, mais le film s'inscrit dans une durée qui n'est pas la durée que je vis, mais qui elle-même peut nous introduire de manière presque intuitive à cette durée qui nous constitue. Oui, alors le cinéma est un exemple que, évidemment, Bergson, en 1896, l'année de la publication de Matière et Mémoire, ne pouvait pas connaître suffisamment pour en parler avec sérieux. Le cinéma avait à peine un an. Il en sera question plus tard, mais sous un point de vue très particulier, qui est le cinématographe comme appareil d'enregistrement et de projection, c'est-à-dire de reproduction artificielle du mouvement. Mais c'est vrai que l'essence du cinéma comme art, qui se constitue après Matière et Mémoire, et que quelqu'un comme Deleuze aura identifié avec des moyens bergsoniens, l'essence du cinéma, c'est en effet de libérer et de donner toute son intensité, par ses moyens propres, à ce monde de mouvement, de pur mouvement, que Bergson essaye de décrire quand il parle de la matière. C'est-à-dire qu'un plan de cinéma, au fond, ça n'est rien d'autre qu'une façon de couper, de découper, alors par les opérations du cadrage, mais aussi du travelling, enfin, toutes sortes de gestes techniques, mais disons de couper et donc de faire apparaître, sous différents aspects, la continuité de mouvements enchâssés les uns dans les autres, s'entrechoquant, pris dans une chaîne infinie de rebonds et de rebondissements. C'est ça l'essence du cinéma. C'est un pur art du mouvement, au sens où Bergson aurait pu le rêver, bien qu'il n'ait pas eu les moyens de l'identifier dans ce qui se constituait là, dans les premiers âges du cinéma. Oui, c'est ce que Deleuze dit bien dans cet ouvrage sur le cinéma, Image, mouvement, image, temps. Il écrit ce dont Bergson croyait le cinéma incapable, parce qu'il considérait seulement ce qui se passait dans l'appareil. C'est ce dont l'appareil est le plus capable, éminemment capable, dit-il, l'image-mouvement, c'est-à-dire le mouvement pur, extrait des corps ou des mobiles. Ce n'est pas une abstraction, mais un affranchissement, dit-il. Et finalement, Deleuze, ici, dans ce texte incroyable, montre que Bergson, sans le savoir, aurait pu avoir raison qu'il se trompe, mais qu'il avait lui-même, philosophiquement, les moyens de comprendre que le cinéma nous donnait à voir le mouvement pur, en fait, oui, dans les images mobiles qui constituent le cinéma. Oui, l'exemple le plus simple étant un libre mouvement de caméra. Enfin, quand la caméra cesse de suggérer avec insistance un point de vue subjectif en suivant un personnage, quand la caméra se libère des mobiles ou des sujets et qu'elle vient fendre une foule, une sorte de point de vue impersonnel qui à la fin n'est plus du tout perçu comme un point de vue précisément par le spectateur, mais comme une sorte de virtualité de mouvement, une sorte de mouvement transversal qui est le mouvement du plan de cinéma lui-même. Là, on a quelque chose comme l'exemplification presque à l'état pur de ce que Bergson envisageait, c'est-à-dire un mouvement radicalement détaché du mobile ou de son arrière-plan spatial, un mouvement qui serait pure durée, une coupe mobile de la durée qui serait le privilège du mouvement virtuel de la caméra. Bon, mais précisément, la caméra, c'est pas un sujet dans le plan. C'est quelque chose qui est mystérieusement attaché au plan, mais comme son principe d'animation interne. Alors ça, le cinéma le fait voir de façon très claire. Mais je dirais, Van Gogh déjà, en faisant vibrer, en tordant, en courbant les lignes, en saturant les couleurs, et en produisant cette espèce de qualité vibratoire générale dans certaines de ses toiles. Et au fond, c'est aussi ce qu'on perçoit dès qu'on fait un peu attention à ce qui se passe. Le célèbre exemple bergsonien, qui vient plus tard, c'est dans l'évolution créatrice, du verre d'eau sucré, le sucre qui se dissout lentement dans un verre d'eau, dit déjà quelque chose de ce genre. C'est-à-dire, bien sûr, il y a un sucre, il y a l'eau, il y a le verre. Ça, ce sont des des morceaux de matière que je découpe, que ma perception découpe et identifie. Mais il y a plus fondamentalement un processus de dissolution, une altération, qui peut être saisi, pour peu qu'on y prête attention, comme une transformation qualitative globale qui est détachée, au fond, indépendante de ces objets que découpe ma perception. Et si je fais attention à ça, ce que je fais naturellement, c'est que j'ajuste, avec plus ou moins d'habileté, et ça peut être accompagné d'irritation, d'impatience, quand le sucre met trop de temps à fondre, j'ajuste ma propre durée, mon propre rythme de durée, à une durée matérielle que je perçois immédiatement, que je ressens en fait comme immédiatement différente de la mienne. C'est un autre rythme, c'est un rythme singulier, et en même temps dont je participe dans cette expérience d'avoir à attendre que le sucre fonde, dont je participe malgré tout, ou en tout cas à laquelle je me connecte, parce que au fond l'idée vers laquelle veut arriver Bergson, c'est que nous participons d'un univers matériel qui dure lui-même selon son rythme propre de durée et qui n'est donc pas essentiellement séparé de nous, qui n'est pas, à distance du sujet ou de la conscience, mais qui entre avec lui, le sujet, dans un rapport de participation ou de co-appartenance. L'univers dure et nous en lui. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'un simple morceau de sucre peut faire comprendre, peut nous faire toucher du doigt. Si vous supprimez ma conscience, l'univers matériel subsiste tel qu'il était. Seulement, comme vous avez fait abstraction de ce rythme particulier de durée, qui était la condition de mon action sur les choses, ces choses rentrent en elles-mêmes pour se scander en autant de moments que la science en distingue, et les qualités sensibles, sans s'évanouir, s'étendent et se délayent dans une durée incomparablement plus divisée. La matière se résout ainsi en ébranlement sans nombre, tous liés dans une continuité ininterrompue, tous solidaires entre eux, et qui courent en tous sens comme autant de frissons. Reliés les uns aux autres, en un mot, les objets discontinus de votre expérience journalière. Résolvez ensuite la continuité immobile de leur qualité en ébranlement sur place. Attachez-vous à ces mouvements en vous dégageant de l'espace divisible qui les sous-tend pour n'en plus considérer que la mobilité, cet acte indivisé que votre conscience saisit dans les mouvements que vous exécutez vous-même. Vous obtiendrez de la matière une vision fatigante peut-être pour votre imagination, mais pure, et débarrassée de ce que les exigences de la vie vous y font ajouter dans la perception extérieure. Rétablissez maintenant ma conscience, et avec elle, les exigences de la vie. De très loin en très loin, et en franchissant chaque fois d'énormes périodes de l'histoire intérieure des choses, des vues quasi instantanées vont être prises, vues cette fois pittoresques, dont les couleurs plus tranchées condensent une infinité de répétitions et de changements élémentaires. C'est ainsi que les mille positions successives d'un coureur se contractent en une seule attitude symbolique, que notre œil perçoit, que l'art reproduit, et qui devient pour tout le monde l'image d'un homme qui court. Le regard que nous jetons autour de nous, de moment en moment, ne saisit donc que les effets d'une multitude de répétitions et d'évolutions intérieures, effets par là même discontinus, et dont nous rétablissons la continuité par les mouvements relatifs que nous attribuons à des objets dans l'espace. Le changement est partout, mais en profondeur, et nous constituons ainsi des corps à la fois stables quant à leur qualité et mobiles quant à leur position, un simple changement de lieu contractant en lui, à nos yeux, la transformation universelle. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Bergson nous convie dans le texte que je viens de lire, Elie Düring, à une expérience de pensée incroyable, là aussi, une sorte d'exercice de l'imagination, au terme duquel, selon lui, notre conscience, la conscience de celui qui écoute ou qui effectue cette expérience de pensée, peut quasiment toucher du doigt la durée de la matière en elle-même, qui est infiniment plus détendue que celle de l'esprit. Oui, c'est un texte très riche, en même temps assez amusant, parce qu'il est présenté presque comme une recette de cuisine. Enfin, c'est une expérience, c'est une sorte de TP philosophique à pratiquer chez soi. Chacun peut s'y employer. Et en effet, d'un côté, il y a... Vous avez raison de le dire, c'est un exercice de l'imagination métaphysique. Ce n'est pas une perception là, à laquelle il nous invite, au sens propre. Ce n'est pas l'équivalent du morceau de sucre. Là, on va beaucoup plus loin. Il s'agit d'arriver à une sorte d'approximation intuitive, à un pressentiment, quelque chose comme une vision de l'esprit, de ce que serait le temps de la matière en soi, à son échelle. dans son rythme. C'est-à-dire, là, on ne parle plus de la foulée d'Achille ou d'Usain Bolt. On parle vraiment de ce qu'il a évoqué dans le texte précédent, à savoir cette matière énergétique qui s'étend dans toutes les directions sous forme de frissons, de vibrations. Bon, c'est la matière électromagnétique. Si on va jusque-là, et en effet, on sait que, par exemple, une intensité chromatique comme le rouge perçu correspond à l'échelle des mouvements atomiques à des vibrations de l'ordre de plusieurs trillions par seconde ou milliseconde, peu importe les ordres de grandeur précis, ça donne une idée. Mais d'un autre côté, et c'est le deuxième aspect de la chose, c'est que si on arrive, grâce quand même aussi à l'information scientifique, hein, qui est partie prenante de cette expérience de pensée, si on arrive à une approximation de ce temps à la fois extrêmement rapide et extrêmement distendu, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une pure répétition mécanique, hein, une sorte de mouvement sur place, frénétique. Si on arrive à une idée de ça, on se rend compte aussi mieux, et c'est le deuxième aspect de l'expérience, du travail tout à fait étonnant, quand on y pense, du travail de condensation ou de contraction que réalise l'esprit, qui est capable, en quelque sorte, de se relier à ce temps-là de la matière, ce temps des trillions de vibrations par seconde, pour en extraire une qualité globale qui est la sensation du rouge perçu. Là, il y a un travail de contraction. Et au fond, en disant ça, Bergson nous place au cœur de ce qui constitue pour lui le principe même, on pourrait dire le fondement théorique de l'union de l'âme et du corps. C'est la capacité de l'esprit à contracter la matière pour extraire à partir de mouvements inouïs qui sont presque des tressaillements sur place, des qualités globales qui, de loin en loin, vont composer notre univers familier de corps mobiles, de taches colorées et toutes ces choses qui nous semblent extrêmement familières quand on n'y prête pas attention, mais dont on sait, puisque la science le confirme, qu'elle résulte de la capacité d'un corps vivant, à contracter son environnement, à le préhender pour en extraire de façon étonnante des qualités globales. Et ça, c'est le propre de l'esprit. Et en même temps, ça explique que l'esprit soit si étroitement attaché à la matière. Il est attaché à la matière, et d'une certaine façon, il en dépend. Il ne se nourrit que d'elle pour percevoir. Il lui est attaché selon ce mode opératoire qui est celui de la contraction-extraction. Contraction de mouvements presque inouïs, presque incommensurables à notre propre rythme de durée, mais que néanmoins je peux appréhender parce que, au fond, il y a cette texture ou ce tissu commun qui me relie au mouvement de la matière et qui est la durée elle-même. Cette matière, aussi étrange qu'elle nous paraisse, telle qu'on vient de la décrire là, eh bien elle dure. Elle a un rythme de durée. Et c'est ça, c'est ce fil continu qui permet de comprendre la nature de l'union de l'âme et du corps, qui était le problème de départ, n'est-ce pas ? Et de l'union de soi dans le monde. Au fond, ce que Bergson nous dit dans le texte que j'ai lu, il parle de transformation universelle. Il dit que entre le monde et moi, le monde que je peux tenir comme étant extérieur à moi, finalement, il y a une seule et même texture, pour reprendre votre expression, c'est une texture temporelle. Nous sommes faits du même, j'ai envie de dire du même bois que le monde, mais nous sommes faits du même temps que le monde, de la même durée. C'est ça. C'est ça aussi qui explique d'ailleurs, ce qui constitue un des enjeux à l'horizon du chapitre. C'est ça qui constitue au fond la clé pour comprendre la marge ou la latitude d'action de l'homme dans cette transformation universelle. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on est soi-même, étant pris, participant de cette transformation universelle, on est le jouet quasiment mécanique d'impulsion et de sollicitation qui à tout instant nous bombarde, quoi. Depuis notre environnement, on pourrait considérer, ce serait une vision matérialiste hard, que l'homme et même la vie de l'esprit en général ne serait que le produit d'une sorte d'agitation à un niveau qui nous dépasse totalement, à un niveau moléculaire, peut-être dans les replis des synapses du cerveau. Or Bergson pense que non, précisément, puisqu'il y a quelque chose qui distingue l'esprit malgré tout, et c'est en ce sens qu'il reste dualiste. Il y a quelque chose qui singularise le rapport à la durée qu'entretient l'esprit, c'est cette capacité à se rapporter à la matière pour en extraire non seulement des qualités globales, des qualités perçues, mais, et ça c'est fondamental pour rendre compte, eh bien, je disais la marge d'action, bah, ça a un nom, hein, c'est la liberté, pour rendre compte de la capacité à agir réellement sur le monde, c'est-à-dire à le transformer activement, selon ses choix, par des efforts de la volonté, eh bien, il faut revenir à cette opération de base, c'est-à-dire qu'en extrayant de la matière des qualités globales, on ne se contente pas de défigurer ce qui a réellement lieu. On n'est pas en train de construire un monde d'illusion, une sorte de simulation. dans laquelle on serait confortablement installé et qui nous mettrait à distance du vrai monde, de la nature innommable. C'est pas ça. En réalité, ce qu'on fait, c'est on se donne les moyens d'agir en retour sur le monde. C'est-à-dire que contracter la matière, la durée ou le rythme de la matière pour en extraire des perceptions, c'est une façon aussi de retarder, parfois de mettre en suspens l'espèce d'agitation frénétique qui fait que la matière, et il définit ça comme presque une loi, je crois qu'il dit c'est la loi fondamentale de la matière à un moment. Ce qui définit essentiellement la matière, c'est de ne pas exploiter son propre mouvement ou de faire en sorte que le mouvement qu'elle reçoit soit immédiatement restitué sous forme d'un mouvement qui le prolonge. Il dit parfois que la matière tend à une sorte de pure répétition mécanique des impulsions, des mêmes schémas d'enchaînement, mais de proche en proche. Or, si vous contractez la durée de la matière, si vous en extrayez des perceptions globales, des qualités sensibles, en fait, vous donnez aussi le temps, voilà, littéralement, c'est des échelles de temps enchâssées comme des poupées russes, vous donnez le temps en dilatant, en délayant, en condensant, hein, d'un autre point de vue, des trillions de vibrations, vous donnez le temps de leur donner d'abord un sens global. Vous percevez du rouge. Le rouge lui-même peut être attaché à certains souvenirs. C'est là que toute la théorie de la mémoire intervient. Et tout ça peut nourrir, en retour, une action qui ne sera pas simplement du type réaction, qui ne se conformera pas au schéma de l'action matérielle, qui est simplement une action-réaction, c'est-à-dire impulsion et production d'un effet, en quelque sorte, instantané. Il y a quelque chose de l'ordre d'une maturation, quelque chose qui s'insinue là de l'ordre d'une capacité de choix. Bergson y a beaucoup insisté dans le premier chapitre. Hein, le corps humain est en lui-même, par sa texture, le système nerveux, une sorte de centre d'indétermination, puisqu'il peut redistribuer avec retard, avec un effet retardé, certaines impulsions qu'il reçoit de l'extérieur. Et dans la perception courante, dont il a décrit le mécanisme, hein, par cette opération de contraction de la durée de la matière, on fait exactement ça. C'est-à-dire qu'on se donne le temps de réagir d'une façon qui ne soit pas impulsive, strictement impulsive, mais qui permette à la liberté, c'est-à-dire à une marge d'action, de volonté, de s'insinuer en quelque sorte dans les replis de la matière, dans les mailles du déterminisme. Si on considère que la matière tend, à répéter des schémas identiques, donc se prête au déterminisme. Nous voici donc en mesure d'écouter ensemble les dernières lignes de Matière et Mémoire. Ça conclura cette semaine la dernière page de Matière et Mémoire, lue par Éric Herson-Macarel. Le progrès de la matière vivante consiste dans une différenciation des fonctions qui amène la formation d'abord, puis la complication graduelle d'un système nerveux capable de canaliser des excitations et d'organiser des actions. Plus les centres supérieurs se développent, plus nombreuses deviendront les voies motrices entre lesquelles une même excitation proposera à l'action un choix. Une latitude de plus en plus grande laissée au mouvement dans l'espace, voilà bien en effet ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas, c'est la tension croissante et concomitante de la conscience dans le temps. Non seulement par sa mémoire des expériences déjà anciennes, cette conscience retient de mieux en mieux le passé, pour l'organiser avec le présent dans une décision plus riche et plus neuve, mais vivant d'une vie plus intense, contractant par sa mémoire de l'expérience immédiate un nombre croissant de moments extérieurs dans sa durée présente, elle devient plus capable de créer des actes dont l'indétermination interne, devant se répartir sur une multiplicité aussi grande qu'on voudra des moments de la matière, passera d'autant plus facilement à travers les mailles de la nécessité. Ainsi qu'on l'envisage dans le temps ou dans l'espace, la liberté paraît toujours pousser dans la nécessité des racines profondes et s'organiser intimement avec elles. L'esprit emprunte à la matière les perceptions d'où il tire sa nourriture et les lui rend sous forme de mouvement où il a imprimé sa liberté. Quel texte, Lee Durin, qui se termine donc avec ce mot « liberté ». Il nous reste à peine une minute de temps d'émission, mais je vous laisse quand même le dernier mot si vous voulez commenter ce dernier texte. Non, il est incommentable, ça prendrait trop de temps, mais au fond, s'il fallait en retenir qu'une seule idée, c'est que, je reprends là l'expression de Bergson, qu'il reprend lui-même à Spinoza, la liberté n'est pas un empire dans un empire. Elle embraye, elle engraine sur quelque chose qui ressemble fort à de la nécessité, même si on rencontre la matière dans un climat, une atmosphère de contingence, hein, c'est toujours une rencontre, hein, un morceau de matière. il y a quand même l'idée que la matière tend à répéter les mêmes schémas, tend au déterminisme, à la nécessité. Mais la liberté, justement, a affaire à la matière et l'envisage, et je dirais la détourne à son profit, hein, c'est presque une opération de détournement, en exploitant la marge d'indétermination que la matière elle-même comporte. Puisque la matière est essentiellement durée, même si c'est une durée extrêmement dilatée, délayée, détendue, même si la conscience qu'elle porte, si on veut bien employer ce terme, est une sorte de conscience quasiment neutralisée, elle a quand même quelque chose d'analogue à notre durée interne, c'est de la durée. Et donc, si c'est de la durée, c'est qu'il y a une mémoire qui minimalement agit déjà dans la matière, et c'est donc que la matière elle-même n'est pas strictement conforme au schéma déterministe, et qu'elle a une marge, elle présente des franges d'indétermination. La liberté humaine, elle joue là-dessus, elle s'insinue, elle s'insère dans ce processus universel pour produire ses effets. Donc, on pourrait dire que la liberté humaine n'est qu'une forme intensifiée, et évidemment considérablement transformée, d'une marge de liberté que la nature elle-même s'octroie à tous les niveaux. Une marge de contingence. Merci beaucoup, Elie Düring, de nous avoir éclairé sur la lecture de ce texte difficile et passionnant. On l'aura compris. J'espère que ça aura donné envie aux auditeurs de le lire par eux-mêmes ou de réécouter l'émission. Hein. Je pense qu'il faut plus d'une écoute peut-être pour bien comprendre tous les enjeux que vous avez dépliés pour nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Et on se quitte en mouvement avec Janis Joplin, Move Over. Les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Depuis plusieurs jours, je vois ici et là des articles, des chroniques et des débats sur ces masques jetés sans précaution dans les rues. Chacun s'accorde à trouver ça irresponsable, dangereux et polluant. Je partage aussi ce constat, mais je me questionne. Pourquoi avoir besoin de le dire ? Depuis le début du déconfinement, l'habitude de porter un masque semble s'être installée. Celle de les jeter à la poubelle beaucoup moins, de plus en plus de masques chirurgicaux et gants usagés se retrouvent à même le sol. C'est un vrai scandale. Il y a des poubelles tous les 15-20 mètres, mais on ne sait pas pourquoi, on retrouve tout par terre. Denrées rares il y a quelques semaines, les masques sont désormais devenus, comme n'importe quel objet consommable, accessible et périssable, des déchets qui jonchent les rues. L'ironie est là. Précieux il y a peu, ils ont dégringolé de leur piédestal comme par magie. Et ça fait toujours quelque chose d'observer au milieu de nulle part, jeter sans soin pour les autres et pour eux ce qui nous protège les uns des autres. Là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. Pourtant, comme le rappellent très bien de nombreux papiers, chroniques ou autres, comment se fait-il, si tout le monde est d'accord, que malgré tout, ce genre d'acte ait lieu ? Que se passe-t-il dans la tête de certains pour faire ça ? Qui sont-ils, ceux qui font ça ? Par quel dysfonctionnement neuropsychologique ou moral en viennent-ils à jeter par terre ce qui se met dans une poubelle ? Je partage les mêmes observations et les mêmes questions. Mais à vrai dire, je me demande aussi pourquoi ces mêmes observations et ces mêmes questions ont besoin d'être dites et posées. Quel besoin y a-t-il à montrer du doigt, à signaler, à dénoncer publiquement ce qui de fait est condamnable ? S'agirait-il de convaincre la majorité qui est déjà d'accord ou de pointer les méchants qui de toute façon n'écoutent pas ? Bonjour, ici le sergent Jean-Raphaël Drolet de la Sûreté du Québec. Comme vous le savez, le gouvernement du Québec a imposé des mesures qui interdisent la majorité des rassemblements intérieurs et extérieurs. Mais là, aujourd'hui, nous faisons appel à votre jugement et votre gros bon sens. Nous vous avisons que nos centrales d'appel sont extrêmement sollicitées à l'heure actuelle et ce, à toutes les heures de la journée. Des centaines de personnes nous appellent quotidiennement pour nous poser des questions farfelues ou nous rapporter des situations qui sont inappropriées. Pourquoi dénoncer ce qui, en soi, de manière évidente et consensuelle, est répréhensible? Je sais que ma question est très facilement démontable. On pourra par exemple m'objecter que l'injustice ne se résout pas sans prise de parole ni prise de conscience publique. On pourra me donner 1000 exemples d'abus, d'incivilités, de délits et même de crimes qui doivent être nommés, montrés et révélés. On pourra enfin m'invoquer la responsabilité de chacun face à un enjeu collectif. Bref, les arguments ne manqueront jamais pour enrayer l'injustice, l'irresponsabilité, le danger, ce qu'on pourrait tout simplement appeler le mal. Malgré tout, quelque chose me turlupine depuis le début de cette crise. La facilité à dénoncer ce que tout le monde dénonce, déjà, tout le temps, sans cesse. Les masques jetés, mais aussi les gens non masqués, ceux qui sont partis se confiner à la campagne, répandre le virus, ou les autres qui étaient dans les parcs le week-end du 14 mars. Sans oublier ceux qui tripotent les fruits et légumes. Vous voyez, tous ces irresponsables, ces méchants, ces idiots, qui se croient au-dessus des lois, qu'il s'agisse de celles de l'épidémie ou de l'État. Mais je me demande, qui se croit au-dessus des lois, ou en tout cas bien au niveau de la loi, qui se prend en tout cas pour elle, pour la rappeler, pour s'en faire la voix, pour montrer où se trouve la limite entre le bien et le mal, entre ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà ce qui me frappe en fait, c'est ce paradoxe de vouloir condamner ceux qui se mettent hors des lois, ceux qui se sentent tout puissants en dérogeant à la règle, en se mettant précisément à la place de la loi et de la toute-puissance. Paradoxe de pointer les fautifs qui se croient au-dessus des lois en se mettant exactement à la même place recouvre à mes yeux plusieurs problèmes. D'abord, celui de la loi et de son incarnation. À qui revient-il de la faire? Ensuite, le problème de savoir comment faire la loi. Est-ce en dénonçant, en montrant du doigt, à coups de remarques ou d'images? Et enfin, et c'est peut-être le plus grave pour moi, le problème d'identifier la loi à une délimitation entre le bien et le mal. Ceux qui agissent mal, entendez ici ceux qui jettent leur masque ou qui sortent sans, seraient de fait tous les mêmes. Mauvais, méchants, irresponsables. Le portrait robot du dangereux individu. Et à l'inverse, ceux qui se font le relais de la loi seraient du bon côté. Des gens bien, rassurés d'en être et de l'avoir montré. Mais je ne serais pas complète si dans cette tendance à la dénonciation facile, il n'y avait pas aussi une facilité à dénoncer. Car au fond, que dénonce-t-on en ce moment? Des personnes qui ne portent pas de masques? D'autres qui les portent mal et ceux qui les balancent? Sérieusement, des masques jetés, n'en jetez plus. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui a tout donné pour cette semaine bergsonienne et qui mène chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Anaïs Isbert, Clara De Giovanni, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie. C'était Nicolas Berger à la réalisation, Éric Herson-Macarel à la lecture des textes bergsoniens, à la prise de son aujourd'hui, c'était Jacques Hubert. Merci au CDM de Radio France qui a permis d'assurer la liaison. On se retrouve demain pour un Profession Philosophe en compagnie de Catherine Malabou. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours et peut-être plus que jamais, télécharger cette émission pour la réécouter au moment de la journée que vous choisirez. Et sachez aussi que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.